Au fond de ma révolte contre l'effort. Texte extrait des mémoires de Louise Michel. Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve du plus loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblant, cherchant à s'enfouir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux. La bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, date, avec ma pitié pour eux, la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Pardonnez-moi, chers amis des provinces, si je m'appesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux. Dans le rude labeur qui vous courbe sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-même que le dédain arrive pour toutes les souffrances. Cela ne finira-t-il jamais? Les paysans ont la triste coutume de donner de petits animaux pour jouer à leurs enfants. On voit sur le seuil des portes au printemps, au milieu des foins ou des blés coupés en été, de pauvres petits oiseaux ouvrant le bec à des mioches de 2 ou 3 ans qui y fourrent innocemment de la terre. Ils suspendent l'oiselet par une patte pour le faire voler. Regarde s'agiter ses petites ailes sans plumes. D'autres fois, ce sont de jeunes chiens, de jeunes chats que l'enfant traîne comme des voitures sur les cailloux ou dans les ruisseaux. Quand la bête mord, le père l'écrase sous son sabot. Tout cela se fait sans y songer. Le labeur écrase les parents, le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres d'un bout à l'autre du globe gémissent dans l'engrenage. Partout, le fort étrangle le faible. Étant enfant, je fis bien des sauvetages d'animaux. Ils étaient nombreux à la maison. Peu importait d'ajouter à la ménagerie. Les nids d'alouettes ou de linottes me vinrent d'abord par échange. Puis, les enfants comprirent que j'élevais ces petites bêtes. Cela les amusa eux-mêmes. Et on me les donnait de bonne volonté. Les enfants sont bien moins cruels qu'on ne pense. On ne se donne pas la peine de leur faire comprendre. Voilà tout.